Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'opération Restaurer l'espoir, le cauchemar américain en Somalie. Mike Durant, U.S. Army. Innocent people being killed is not good. Cette vidéo du pilote américain Mike Durand condamnant la mort d'innocents en Somalie après avoir été fait prisonnier choque profondément le peuple américain. La diffusion de cette vidéo le 6 octobre 1993 est un peu le dernier clou dans le cercueil de l'opération Restaurer l'espoir. Le lendemain de la diffusion de cette vidéo, le président Bill Clinton annonce la fin de la mission américaine en Somalie, l'un des échecs les plus cuisants des États-Unis au 20e siècle. Je crois que vous n'auriez jamais dû venir. Cette guerre, c'est la nôtre. Pas la vôtre. 300 000 victimes et toute scène à venir. C'est plus une guerre, monsieur Atto. C'est un génocide. Ces gens-là n'ont pas de nourriture. Ou on leur donne un coup de main, ou on se croise les bras et on regarde ce pays s'autodétruire sur CNN. Rangers, Delta Force, allons-y au travail. On m'a appris à combattre. On vous a appris à vous battre, sergent. On m'a surtout appris à changer les choses. Tiens-toi bien, tu vas en être aujourd'hui. Quoi? C'est ce que tu voulais, non? Ouais. Ah ouais? T'as déjà tiré sur un mec avant? Non, sergent. Moi non plus. À la première balle qui te siffle aux oreilles, la politique, t'en auras plus rien à branler. Extrait de la bande-annonce du film de Ridley Scott, La chute du faucon, réalisé en 2001, et racontant l'histoire de la bataille de Mogadiscio en octobre 1993, nous revenons sur cette opération Restaurer l'espoir en Somalie, qui tournera véritablement en cauchemar pour les Américains, avec Karine Prémont, qui est professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke et directrice adjointe de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand de l'Université du Québec à Montréal. Karine Prémont, bonjour. Bonjour. Karine, avant de parler de ce fiasco que ça va devenir, la Somalie, pour les Américains. Parlons du contexte. D'abord, le contexte politique qui va conduire à cet engagement de la communauté internationale en Somalie. À quoi ressemble la situation sur le plan politique en Somalie en 1991, juste avant l'engagement de la communauté internationale? La situation de la Somalie va se dégrader rapidement à la fin des années 80, début des années 90, parce que pendant tout le temps de la guerre froide, elle était soutenue par les Américains. Les États-Unis jugeaient que la Somalie avait une position stratégique en Afrique, proche du Moyen-Orient également, proche d'un paquet de lieux de tension. Mais à la fin de la guerre froide, évidemment, bien, les vivres sont coupés de toutes sortes de façons. Et c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte en Somalie que le président, qui s'appelle le Siad Barre, et qui avait pris le pouvoir là, en 1969, bien, va être tout à fait incapable d'assurer la gouvernance du pays, en fait, par lui-même. Donc, les conditions de vie des gens vont se dégrader assez rapidement. Et très rapidement, là, en 91, donc quelques années après, ben, c'est un peu la déliquescence de l'État qui va s'installer parce que les forces de Barre ne réussiront pas à contrôler le pays, vont s'en tenir un peu à la capitale et c'est là, je vous dirais, où l'essentiel du pouvoir de Barre va s'exercer. Puis très rapidement, même, la capitale va tomber entre les mains des différentes forces là, qui luttent pour l'obtention du pouvoir. Le pays glisse. D'abord, il y a beaucoup d'insatisfaction de la population. Oui. Et puis, le pays glisse tranquillement, ben pas tranquillement, rapidement, en pleine guerre civile, finalement. Oui, qui s'oppose dans cette guerre civile-là? Bien, en fait, les forces gouvernementales de Barre sont contestées de toutes parts, mais c'est surtout l'Alliance nationale somalienne du général Mohamed Farah Aydin qui va contester de façon plus importante ce pouvoir-là. Évidemment, la Somalie, c'est très compliqué parce qu'au fil des mois, au fil des années, bien, les différentes alliances vont se déconstruire et se ressouder de différentes façons. Et ça fait en sorte que le pays est sous l'assaut incessant des différents seigneurs de guerre, en fait, qui vont s'installer et qui vont, ni plus ni moins, contrôler des espèces de gangs criminalisés qui vont essayer de s'emparer du pouvoir. Alors, le pays va être très rapidement en guerre civile. Donc, ce contexte politique, évidemment, la communauté internationale en prend acte. L'autre élément qui milite en faveur d'une intervention de la communauté internationale en Somalie, c'est la situation alimentaire du pays. Puis, il y a un lien, on va le voir dans un instant. La guerre civile, évidemment, aide pas à cette situation alimentaire difficile. Comment la décrire, cette situation sur le plan alimentaire en Somalie en 91, Karine Prémont? Simon? Bien, évidemment, la famine est causée par une sécheresse là, qui affecte l'ensemble de la Corne de l'Afrique à ce moment-là. Mais c'est évident que la désorganisation de l'État, que le conflit armé lui-même, que la mauvaise gestion de Barré, tout ça va accentuer évidemment ce phénomène-là. Parce qu'évidemment, les stocks alimentaires, les ONG d'abord seront sur place là, depuis le début des années 90, mais très rapidement, on se rend compte que les seigneurs de guerre confisquent les stocks de nourriture, détournent les convois humanitaires, et c'est très difficile pour les ONG de faire leur travail. Et d'ailleurs, la situation va s'envenimer rapidement. Et les ONG, en fait, vont devoir quitter le pays durant l'été 91, tellement la situation, elle est volatile, elle est dangereuse. Et finalement, ils se rendent compte que leur travail, ben, n'est pas très utile parce qu'on se trouve à alimenter au propre et au figuré, en fait, les différents groupes armés. Et puis, il y aura ce rapport de Médecins sans frontières qui va être publié en avril 92, qui va vraiment être un petit peu le rapport qui sonne l'alarme. Karine Prémont, que dit ce rapport? Ben, en fait, il faut d'abord se rappeler que en 91, alors que la guerre éclate, alors que la famine commence à faire des ravages, ben évidemment il y a d'autres sujets de préoccupation sur la scène internationale. C'est la guerre du Golfe, notamment, c'est la situation des Kurdes en Irak qui vont beaucoup préoccuper les États-Unis, et c'est aussi le début des conflits en ex-Yougoslavie qui va beaucoup toucher l'Europe. Alors à partir de ce moment-là, on comprend que l'attention n'est pas tellement tournée vers l'Afrique. Et justement, ce rapport de Médecins sans frontières en avril 92 va faire état d'une situation tout à fait alarmante. Ce rapport-là dit qu'un enfant de moins de 5 ans sur 4 est mort de faim au cours de la dernière année, que la famine guette 10 % des adultes, en fait que 10 % des adultes somaliens meurent de faim également, et que la famine guette 90 % des personnes déplacées. Et des personnes déplacées en Somalie, il y en a beaucoup. Alors, le nombre réel de victimes est difficile à évaluer. Dépendamment des rapports, on parle soit de 1 000 victimes par jour. L'ONU va parler de 5 000 victimes par jour. Mais au total, ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont affectés par la famine et que la mort guette à toute fin pratique. Les images aussi, Karine, en provenance de Somalie, vont vraiment être déterminantes dans la mobilisation de la communauté internationale pour intervenir en Somalie. Qu'est-ce qu'elles nous montrent, ces images-là? Ces images-là vont commencer à apparaître à la télévision américaine, mais aussi plus général, la télévision occidentale. Et ce qu'on voit, c'est surtout des images de la population, une population qui est victime des pillages, une population victime d'assassinats. On voit beaucoup de cadavres, par exemple, les récoltes saccagées, des habitations détruites. Et on voit les exodes, aussi l'exode massif des gens qui partent essentiellement des campagnes, qui essaient de s'en aller vers les villes pour trouver notamment de la nourriture, peut-être un emploi, mais aussi justement trouver un peu de protection, ce qu'on ne retrouve pas dans les campagnes somaliennes, évidemment, dans les années 90. C'est à l'été de 92 que les États-Unis vont commencer à bouger sur la question somalienne. Ça va se faire par étapes. Première intervention américaine, de quel type à ce moment-là? À ce moment-là, les États-Unis vont simplement mettre en place un pont aérien à partir du Kenya pour pouvoir envoyer de l'aide humanitaire nécessairement. Donc, l'objectif principal, c'est ça, c'est de distribuer l'aide humanitaire. Alors, on va le faire à partir du Kenya. On va distribuer comme ça à peu près 150 000 tonnes de nourriture. D'autres pays vont embarquer dans cette opération-là également, la France, mais aussi le Canada. Et ça marche, là. Il y a déjà... Ça marche très bien. Donc, assez rapidement, là, on voit que la famine se résorbe et ensuite diminue. Et donc, on réussit, une fois qu'on réussit à sécuriser les convois humanitaires, on se rend compte que ça fonctionne et que la famine disparaît tranquillement. Puis je le disais, l'intervention américaine, puis il y aura d'autres pays là, qui seront engagés dans cette intervention, mais se fera par étapes. À la suite de l'élection de Bill Clinton en novembre 92, c'est à ce moment-là qu'est lancée ce qu'on va appeler l'opération « Restaurer l'espoir ». Quel est l'objectif de cette mission? L'objectif principal, c'est de sécuriser les opérations d'aide humanitaire sur le terrain. Alors, une fois qu'on a créé le pont aérien, bien, une fois sur place, bien, il faut réussir à sécuriser ces opérations-là. Il faut réussir aussi à établir des endroits où on va pouvoir stocker les aliments, où on va pouvoir les distribuer aussi sans danger aux gens qui vont venir les chercher. Alors, l'opération Restaurer Espoir sert essentiellement à ça. Mais on va envoyer des militaires sur le terrain. Donc, on ne se fiera plus uniquement aux humanitaires. On va envoyer des militaires parce qu'on se rend compte qu'on doit absolument protéger les convois et protéger la population des seigneurs de guerre. Et ce débarquement de militaires va se produire dans la nuit du 8 au 9 décembre 1992. Il aura fallu moins de 6 heures pour débarquer les 1800 Marines des 6 navires qui s'étaient approchés de Mogadiscio et prendre le contrôle des deux principaux endroits stratégiques, le port et l'aéroport international, où atterriront sous peu les premiers du gros des troupes, on parle de 28 000 hommes, qui assureront les convois d'aide alimentaire. Le débarquement s'est déroulé sans le moindre coup de feu ni incident majeur. Yes. Les gens pensent ici qu'ils vont mettre fin à la guerre civile et au chaos. Et ils croient même, à tort, qu'ils vont désarmer tout le monde, même si la mission consiste uniquement à garantir la distribution de l'aide. Le dispositif est en place pour le début de la mission des Nations Unies proprement dite, mais ça va prendre encore quelques jours avant que les premiers convois puissent reprendre la route vers les régions affectées par la famine. Jean-Michel Leprince, à Mogadiscio. Extrait d'un reportage de Jean-Michel Leprince, donc diffusé au Téléjournal le 9 décembre 92. On le voit bien dans cet extrait, Karine Prémont. Le début de la mission, ça se passe très bien, c'est un succès. Ça se passe très bien. En fait, c'est un débarquement quasi hollywoodien sur les plages de Mogadiscio parce que il faut savoir que le Pentagone et le département d'État avaient préalablement avisé les journalistes en disant « Si vous voulez voir un spectacle ce soir, soyez à telle heure sur les plages de Mogadiscio, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. » Et donc, les soldats américains arrivent sous les caméras, sous les projecteurs de centaines de journalistes. C'est tout à fait surréel de voir ça. Et ils ont été assez chanceux parce qu'avec toutes les lumières qu'il y avait là, s'il avait fallu qu'il y ait des tireurs somaliens embusqués, c'en était fini de l'opération américaine. Mais effectivement, comme le dit M. Leprince, l'opération s'est fort bien déroulée. Les forces somaliennes se sont effondrées assez rapidement devant la force de frappe essentiellement américaine. Il faut dire que ce sont surtout des Américains qui participent à cette opération-là. Ils constituent à peu près 90 % des forces et financent à peu près 75 % de cette opération-là. Alors, c'est une opération américaine à toute fin pratique. Donc, effectivement, là, la résistance somalienne va s'effondrer rapidement et les forces internationales menées par les Américains vont très rapidement reprendre le contrôle du centre et du sud du pays. Et ça va permettre de débuter, en fait, des négociations de paix et de signer un accord de cessez-le-feu dès janvier 1993. Oui, parce qu'il y a un double objectif, au fond. Puis, encore une fois, dans cette idée d'y aller par étapes, du côté des Américains, la première étape, c'était de sécuriser l'acheminement de l'aide alimentaire. Oui. On le fait avec ces soldats qui débarquent. Il y a de grandes attentes en Somalie, des gens qui se disent qu'ils vont mettre fin à la guerre civile. Ça, c'est moins évident, mais quand même, effectivement, en 93, au mois d'août 93, l'administration Clinton décide d'essayer d'atteindre cet objectif-là, en tout cas passe à une deuxième vitesse, et se lance dans ce qui va devenir la bataille de Mogadiscio. Qu'est-ce qu'on cherche du côté américain, exactement? Bien justement, vous l'avez dit, on cherche à aller un peu plus loin, c'est-à-dire que l'opération Restaurer l'espoir s'est terminée en mai 93, s'est couronnée de succès, la famine a reculé, les combats ont cessé à peu près partout, sauf dans la capitale, et là, ce que le gouvernement de Bill Clinton va se dire, bien, puisque nous sommes maintenant, il faut se rappeler, là, ça fait pas longtemps que l'URSS n'existe plus, les États-Unis sont la seule superpuissance mondiale, le président est tout nouvellement élu, alors il se dit, nous devons dorénavant employer la force militaire américaine à des objectifs humanitaires. Et la Somalie est un laboratoire, en fait, extraordinaire pour ça. Alors, il va se dire, nous devons passer en vitesse supérieure et nous allons organiser une force pour essayer de capturer Aïdid, qui est en fait le seigneur de guerre le plus puissant, celui-là qui fait et défait les alliances et qui menace effectivement la stabilité de la Somalie et qui est surtout jugé comme étant responsable de la mort de 24 casques bleus pakistanais en juin. Alors, on a tout intérêt à le capturer, on veut le traduire en justice. Alors donc, on va lancer en août 93 cette opération spéciale. Et cependant, cette opération spéciale-là a beaucoup moins l'appui de l'opinion publique américaine parce que s'il y avait 75 % des Américains qui soutenaient l'opération Restaurer l'espoir, parce qu'on comprenait bien qu'il fallait aider cette population-là, les images avaient frappé et traumatisé les Américains. Alors, on était assez d'accord avec ça. Mais l'opération spéciale, elle, aura l'appui d'à peu près, pas tout à fait la moitié de la population américaine. Et dès qu'il y aura des morts américains, bien évidemment, ce soutien-là va s'effondrer et va tomber très rapidement sous la barre des 35 %. Parce qu'on se rend compte, au fond, qu'on passe effectivement à une autre vitesse, que là, on est plus dans la politique, dans l'ingérence politique. On veut assainir les mœurs politiques de ce pays-là, mais il y a quelque chose qui ressemble à une intervention armée pour faire tomber un régime. Là. Et c'est toujours un peu le petit défaut américain, le petit défaut de l'armée américaine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher de se mêler de politique une fois qu'on est sur place. On ne peut pas s'empêcher, justement, et on se rappelle, le début des années 90, c'est l'ère de la nation indispensable. La secrétaire d'État, Madeleine Albright, avait dit ça. Les États-Unis sont la nation indispensable sur la scène internationale. Alors forcément, on arrive là, on se dit, bien, tant qu'à y être, essayons de restaurer l'ordre, essayons de mettre fin à cette guerre civile-là et essayons de capturer les seigneurs de guerre. Donc, c'est une guérilla urbaine, en fait, qui va attendre les États-Unis et ça va pas bien se passer. Ça va très, très mal se passer. Le 4 octobre, le grand coup, en fait. Là, on décide qu'on y va. On y va en mettant toute la gomme. 4 octobre. Les Américains tentent une offensive contre le pouvoir en place. On écoute Jean-Michel Leprince. C'était l'engagement le plus important et aussi le plus féroce depuis le début de la mission en Somalie. Et les pertes les plus lourdes pour les troupes américaines. 75 blessés, une douzaine de tués, deux hélicoptères Black Hawk abattus. Dans le quartier du marché de Baraka, les cadavres de deux soldats américains des équipages d'hélicoptères ont été traînés dans les rues de Mogadiscio. L'un dans une brouette, l'autre carbonisé, a été exhibé par la foule des Somaliens partisans du général Aidid. De plus, 7 soldats américains sont portés manquants et risquent d'avoir été capturés et gardés en otage. L'un, un pilote d'hélicoptère Black Hawk, a été filmé en captivité par un caméraman amateur somalien et la cassette a été transmise à la chaîne CNN, alors qu'on lui demande de qualifier l'opération américaine. « Ce n'est pas bien de tuer des innocents », répond-il. Cette offensive du 4 octobre, Karine Prémont, vraiment, ça se passe très, très mal pour les Américains. Ça se passe très mal. Au début, l'objectif semble assez simple et tout à fait à la portée des soldats américains, c'est-à-dire qu'on veut prendre d'assaut l'hôtel Olympia à Mogadiscio où on présume que se trouve Aidid et ses principaux lieutenants. Alors, on va lancer l'assaut. Toutefois, les hélicoptères américains vont être abattus par les forces somaliennes, vont s'écraser et les forces somaliennes vont prendre en otage des Américains, vont en tuer plusieurs, vont en tuer. Le bilan final est de 18 Marines américains qui ont été tués, 75 blessés effectivement. Et là, il y a ces terribles images qui sont diffusées de ces corps de soldats mutilés, traînés dans les rues, attachés à des camions et exhibés un peu partout dans les marchés publics. Il faut dire qu'il y a des images encore plus dérangeantes qui existent, qui ont été diffusées, surtout en Europe. Les chaînes américaines ont refusé de les tourner, on peut le comprendre. Et si je peux me permettre de citer un des animateurs de CBS, Marvin Kalm, qui disait qu'en fait, pour la plupart des Américains, ces images-là ne représentaient pas uniquement un corps américain exhibé dans les rues de Mogadiscio, mais aussi le symbole du pouvoir américains traînés dans les rues du tiers-monde, incapables de maîtriser les nouveaux défis de la période de l'après-guerre froide. Et c'est exactement ça, en fait, que va symboliser la Somalie, que va symboliser cette débâcle-là. Encore une fois, le syndrome du Vietnam est assez récurrent aussi dans l'imaginaire américain. C'est cette idée que la force de frappe américaine est tout à fait impuissante devant des forces qui sont désorganisées, qui sont urbaines, ouais. Qui sont, en fait, qui ne sont pas étatiques. C'est non seulement un échec, il y a quelque chose, pour un Américain, il y a quelque chose d'humiliant dans ce qu'on voit à la télé. Oui, parce qu'on se rend compte que c'est pas seulement notre pire ennemi, c'est-à-dire l'URSS qui peut nous infliger des défaites. Ce ne sont pas seulement les grandes puissances qui sont capables de constituer un ennemi pour nous. Ce sont quelquefois simplement des groupes comme ça, désorganisés, des bandits armés, essentiellement, qui sont capables de traîner cette puissance américaine dans la boue et de les humilier comme ça sur la place publique. Et ça a été un choc extraordinaire pour les Américains. Un choc tellement grand que la réaction politique à Washington va suivre dans les heures qui viennent. Le 7 octobre, en fait, le 4 octobre, c'est l'attaque, mais le soldat Mike Durand, ce témoignage dont on parlait, c'est le 6 et le 7 octobre, le lendemain, le président Bill Clinton annonce le retrait des troupes américaines de Somalie. Why are we still there? What are we trying to accomplish? Pourquoi sommes-nous toujours en Somalie? Qu'essayons-nous d'y accomplir? Comment une mission humanitaire a-t-elle pu devenir si violente? Et quand sortirons-nous? Nous y sommes allés parce que les États-Unis étaient le seul pays en mesure d'arrêter cette tragédie humaine. Plus d'un tiers de millions de personnes sont mortes de faim. Deux fois plus encore risquaient de mourir. Et pendant ce temps, des tonnes de nourriture restaient à Mogadiscio et ne profitaient qu'à une poignée. C'est notre conscience qui nous commandait d'agir. Our conscience has said enough. Comment Bill Clinton, on vient de l'entendre, c'est court ce qu'on vient d'entendre, mais comment il va réussir à justifier le fait qu'on y soit allé et qu'on se retire de Somalie? Bien, on justifie qu'on y est allé, dépendamment à qui on parle, par deux choses. D'abord, par cette espèce de nécessité ou d'obligation de la part de la superpuissance américaine d'intervenir pour résoudre les problèmes. Donc, je pense que c'était l'ambition fort noble de l'administration Clinton de dire « Nous sommes maintenant la seule superpuissance, nous devons agir pour sauver l'humanité, pas seulement pour utiliser tout cet armement-là à des fins géostratégiques. » Il y a déjà eu 300 000 morts. Il y a déjà eu 300 000 morts, on a vu des images. C'est est un vrai drame. Bernard Kouchner parlait de l'enfer sur Terre pour parler de la Somalie. Alors forcément, il faut faire quelque chose. C'est un des premiers drames humanitaires aussi depuis les années 70 que les Américains voient comme ça en direct à la télévision. Et donc, il y a cette pression populaire très forte. Et on va effectivement justifier l'entrée en Somalie par la télévision. Il y a un adage qui dit « la télévision nous a forcé à y entrer » et c'est la télévision qui va nous forcer à en sortir parce que ce sont les images, en fait, qui ont propulsé la Somalie au sommet des priorités américaines. Et c'est l'image des soldats, c'est l'image du soldat pris en otage, Michael Durant également, qui vont frapper de stupeur les Américains et dire « nous n'avons pas d'intérêt là, nous n'avons pas d'affaires là, c'est bien tant que ça fonctionne, mais à partir du moment où nos soldats meurent, il faut revenir à la maison. » Et c'est de cette façon-là que Clinton, le 7 octobre, va justifier le rapatriement des soldats et l'abandon de cette opération en Somalie. Ouais. Les suites de ce fiasco somalien du point de vue américain, est-ce qu'on tirera et quelles leçons on tirera de cette affaire-là, Karine Prémont? Je vous dirais que la principale conséquence de la Somalie, c'est la non-intervention au Rwanda. Parce que peu de temps après le retrait de la Somalie, en mai 94, le président Clinton va signer une directive présidentielle, la directive présidentielle 25, qui établit en fait que les prochaines interventions militaires américaines devront être menées à l'intérieur de paramètres très précis, notamment la protection et la défense des intérêts vitaux des États-Unis. Alors, on comprend bien que c'est pour éviter d'autres Somalies, d'autres interventions, là où les intérêts des États-Unis ne sont pas menacés. Et c'est ça qui va justifier en partie la non-intervention au Rwanda qui survient là au printemps 94, donc tout de suite après. Alors, on comprend bien que les Américains, la population et les gouvernants ne sont pas tout à fait intéressés à intervenir au Rwanda après la débâcle somalienne. Et il y a de toute façon cette directive-là qui les en empêche. On va tirer aussi quelques leçons, notamment l'importance de la connaissance du terrain aussi, parce qu'on se rend compte qu'on a envoyé des soldats à Mogadiscio en ne connaissant absolument rien de la Somalie, en ne connaissant que très peu de la politique somalienne et de la situation sur le terrain. Et aussi, on va comprendre à quel point c'est complexe de gérer des forces internationales, parce que là, on a beaucoup parlé des États-Unis, mais il y a d'autres forces internationales. Il y a la UNITAF qui est là, il y a d'autres pays qui collaborent. C'est une des premières interventions internationales d'après-guerre froide. Alors, on est toujours un peu dans le tâtonnement pour voir comment ça peut fonctionner. Alors, on va tirer des leçons aussi pour la suite. Et il y aura les médias, bien sûr, qui seront vivement critiqués pour la couverture très spectaculaire qu'ils ont faite de la Somalie. On parlait très, très peu des enjeux. Et évidemment, c'est une Somalie qui a été couverte de façon très parcellaire entre les élections présidentielles de 92 et d'autres crises dont on a parlé également. Il en reste quoi aujourd'hui, je dirais, dans la tête, dans l'imaginaire des Américains, de cette intervention en Somalie? Je vous dirais que c'est un peu la même force que le Vietnam. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui du syndrome du Vietnam pour parler de cette incapacité à intervenir ou cette hésitation des États-Unis à intervenir. On peut dire que la Somalie, en fait, a amplifié ce syndrome-là parce que là, on a des images très dures, très, très tragiques de soldats américains dans les rues. Et je vous dirais que ce sont ces images-là qui ont frappé l'imaginaire des Américains. Et à chaque fois que c'est le moment d'intervenir, on pense au Vietnam, mais les générations plus récentes pensent d'abord à la Somalie. Karine Prémont, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke et directrice adjointe de l'Observatoire sur les États-Unis, la chaire Raoul Dandurand de l'Université du Québec à Montréal. Merci, Karine. Merci beaucoup. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.